Les nuits de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. L'enfance, l'adolescence, le père, collaborateur de Doriot durant la guerre, les débuts dans la chanson au cabaret, 3 cabarets par soir pour avoir de quoi manger, mais c'était l'âge d'or tout de même. Le piano, la guitare, la timidité, l'impertinence et le libertinage mêlé, la pochette d'un célèbre 45 tours dit « au nénuphar ». L'auteur des textes et de ses musiques, les tours de chant, la production. Dans les 3 premiers volets d'Avoix Nues, Anne Sylvestre s'est confiée à Hélène Azéra. Aucune raison pour qu'elle n'en fasse pas autant au cours des 2 volets suivants, nommés « La scène, la voix » et « Écrire et chanter pour les enfants ». Comment aller d'une phrase à une chanson ? Ah, « Écrire et chanter pour les enfants », les fabulettes d'Anne Sylvestre. Avoix Nues, Anne Sylvestre, Hélène Azéra. C'est un plaisir de se retrouver, Anne Sylvestre. Et je voudrais qu'on parle de quelqu'un qui a été quand même important dans votre vie artistique et qui l'est toujours, c'est François Robert. Ah, François Robert, oui, alors ça c'est vraiment une merveille, cet homme-là. Mais ça fait maintenant... Ça doit faire un bon plus de 35 ans qu'on travaille ensemble. Et surtout depuis 1973, surtout depuis que j'ai fondé ma maison de production, il fait tous mes arrangements pour les albums dits adultes et puis pour toutes les fabulettes aussi. C'est merveilleux de travailler avec lui parce que d'abord, il est mon premier public. Lorsque j'écris mes nouvelles chansons, je les mets le plus vite possible sur une cassette absolument nulle, en m'aidant de la guitare. Et comme je ne joue plus de guitare depuis maintenant presque 15 ans, j'en joue de plus en plus mal, bien sûr, puisque je ne m'en sers qu'au moment où j'écris les chansons pour repérer, retrouver les musiques. Je les écris dans la tête, puis ensuite je les retrouve... sur la guitare. Alors je lui enregistre ça, bon, d'une voix. Comme en général, c'est le soir ou la nuit que je fais ça. Je me retiens, donc j'ai une voix pas possible. Et puis les accords, c'est exactement ce que je peux. Et j'ai à chaque fois honte quand je lui remets cette cassette en lui disant, écoute François, c'est de pire en pire, c'est vraiment complètement nul. Alors on l'écoute ensemble. Et il me dit en général, bon, tais-toi, laisse-moi écouter le texte. Pour un arrangeur, orchestrateur, je trouve que c'est magnifique. Et puis, on parle de l'esprit de la chanson, de comment on la voit, quels instruments on pense mettre là-dessus. Il y a souvent des bois, bien sûr, il y a toujours le piano, il y a... des cuivres, des cordes, bien sûr, puisque François Robert est celui qui manie le mieux les cordes, à mon avis. Comment l'avez-vous connu ? Comment ? Eh bien, parce que je devais être chez Philips à l'époque, et puis on m'avait dit, eh bien, François Robert va vous orchestrer quelques titres. Il était déjà auréolé de sa légende brélienne d'avoir été là. Auréolé, je ne sais pas. Oui, on disait, c'était l'arrangeur de Brel. Maintenant, quand les gens disent, c'est l'arrangeur de Brel, ça le met en colère, parce qu'il est quand même l'arrangeur. Il n'a pas fait que ça. Non, je comprends. Il est l'arrangeur de pas mal de gens qu'il aime. Et donc, il avait même travaillé avec cette Nicole Louvier, oui, dont vous nous parliez. Ah bah oui, c'est bien possible. Dans votre première émission, avec des toujours cette chose étonnante et qu'on retrouve chez vous, c'est des espèces de bruits bizarres de temps en temps. Il aime bien. Ah, les percussions, des choses. Des percussions, ou faire glisser des briquets le long d'une guitare. des choses ou alors vider le sac. Ça, c'était une indication donnée aux percussionnistes. C'était vider le sac. Parce que les percussionnistes ont toujours un sac rempli de toutes sortes d'instruments. Et là, il fallait faire un bruit terrible. Donc, il a vidé le sac sur le vibra et il a dit on ne fera qu'une prise, bien sûr, parce que. Mais ce qui est superbe, c'est que j'arrive au studio et à ce moment-là, je découvre mes chansons, bien sûr, dans leur habillage et que jamais je n'ai eu de déception. Sur place, on ajuste certaines choses, le tempo, quand on a besoin d'un point d'orgue ou de quelque chose de plus ou de moins, on fait ça sur place. Les musiciens sont convoqués, on leur met les partitions devant le nez, ils jouent. Et j'enregistre avec les musiciens, c'est-à-dire en direct. Je crois que nous sommes très très peu à faire ça maintenant. Hélas. Mais oui, mais c'est bien, on est bien, on est content. Les musiciens aiment ça aussi, parce que là, au moins, ils voient ce qu'ils font. Alors, c'est un bonheur. Bon, c'est une autre sorte. C'est un moment, c'est-à-dire que l'enregistrement du disque, c'est un instantané. Alors, évidemment, il y a un petit côté de vertige et d'angoisse, parce que, bon, c'est une interprétation. Est-ce que je garde celle-là ou est-ce que j'en fais une autre? Celle-là va rester. Alors que sur scène, la chanson, une fois qu'elle a été créée, elle va évoluer. Elle va bouger, elle va changer de rythme, elle va s'habiller, prendre d'autres choses. Mais bon, là, c'est un témoin, c'est un instantané. C'est juste la question que je voudrais vous poser. Comment vous transposez les arrangements de studio à la scène? Il faut repenser le son, oui. un autre son pour la scène. Oui, mais moi, depuis quelque temps, ce qui ne veut pas dire que ce sera pour toujours, mais j'ai fait plusieurs spectacles avec piano-voix. Mmh. Et les partitions de piano sont vraiment des transpositions, des transcriptions d'orchestre. D'ailleurs, mon pianiste habituel, qu'il faut citer, il s'appelle Philippe Davenay. Mm-hmm. C'est un merveilleux instrument. Remarquable travail. Il est magnifique. Et François Robert écrit pour lui, en fait. Mm-hmm. Il connaît ses possibilités. Il transpose sa partition orchestrale pour piano, d'une certaine manière. Carrément, oui. Oui, c'est ça. Et Philippe, d'ailleurs, dit parfois que quand il reçoit une nouvelle partition de François Robert, il a l'impression qu'il lui manque une main. Mais bon, François le pousse toujours un tout petit peu plus loin que ses possibilités, ce qui est magnifique. J'aimerais bien qu'on parle de la scène, parce que bon, vous êtes une femme de mots, vous êtes une femme de musique, mais vous êtes aussi une femme de scène. Ah oui. Et une chanson, quand on arrive les yeux dans les yeux avec le public, tout d'un coup, la chanson prend un volume qu'on ne pouvait même pas imaginer. Vous avez le souvenir de votre première impression de ce contact avec les cabarets? Au départ, vous avez dû bagarrer, oui, sérieusement. Voilà, je me suis battue. Mais oui, ça, c'est la différence entre l'enregistrement du disque et la scène, c'est ça. C'est que quand on fait le disque, on est obligé d'anticiper, d'imaginer, de transposer les effets. Mais on est obligé aussi d'aplatir un peu la chanson, parce que si on l'interprétait sur disque comme on l'interprète sur scène, ce serait caricatural, finalement. Alors, sur scène, je ne sais pas, au début c'était la ligne de feu, je ne me souviens plus, en fait. C'était tellement dur d'affronter le public. Je sais qu'il y a des gens qui ont renoncé parce qu'ils ne pouvaient pas vivre leur trac. Parce que c'est douloureux, le trac, et il faut passer par-dessus, mais... L'interprétation, c'est une chose qui se sent à l'intérieur. Alors pendant très longtemps, vraiment très longtemps, j'étais un peu prisonnière de ma guitare, tout bêtement, parce que... Mais parlons un petit peu de ses débuts, excusez-moi, oui, de vous couper la parole. Est-ce que vous vous rappelez le premier jour où oh, vous êtes oui. arrivé, vous avez chanté devant le le public. Ah oui, oui, oui, je me souviens très très bien de ce premier jour. Heureusement, j'étais assise parce que sinon je serais tombée. J'avais les genoux qui tremblaient. C'était à la Colombe. J'ai dû chanter mes chansons sans savoir ce que je faisais, puis je me suis sauvée après. Pour aller sans doute pleurer dans un coin parce que j'étais insatisfaite de moi. À partir de quand vous avez commencé à sentir que le contact s'établissait entre le public ou une partie du public en tout cas et vous? Bon, je pense que certains soirs, il y avait un contact, que certains soirs, à la Colombe ou chez Moineau ou au Cheval d'Or, il y avait des gens qui réagissaient, mais c'était quand même un public de proximité, c'était un public un peu informel, Les copains des copains. un petit peu, puis d'autres aussi, puis des habitués qui venaient. Il y avait aussi, évidemment. Je pense que on ne se rend pas compte. Je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais. Il fallait se battre. J'avais l'impression tout le temps qu'il fallait se battre. Il fallait se battre pour s'imposer. Il fallait se battre pour se faire entendre. Alors, selon les cabarets, on était défendu ou pas. Il y a des endroits où, par exemple à la Colombe, Michel Valette faisait les choses en grand seigneur. Si quelqu'un, si une table faisait du bruit et dérangeait le chanteur et l'empêchait de chanter, il allait, il leur disait « Vous ne me devez rien, mais je vous prierai de partir. » Bon, c'est quand même pas mal. On était défendu au Cheval d'Or. Alors Léon Tchernyak, avec sa moustache de Mongole, là c'était autre chose. Lui, c'est pareil, il supportait pas qu'on dérange les chanteurs. Alors il arrivait, il mettait la main sur l'épaule du trublion et disait « Dehors !» Bon, c'était autre chose. Mais il y a d'autres endroits où bon, on vous laissait dans votre solitude et dans votre combat. Au Port du Salut, par exemple, enfin, c'était autre chose. Là, le bar était séparé de la salle, donc le patron ne voyait pas forcément ce qui se passait dans la salle. Je me souviens en particulier, parce qu'il y a des choses quand même qui vous marquent. Au Port du Salut, les gens mangeaient. Donc, quelquefois, il y avait le bruit de la petite cuillère sur la glace. Hein. Et un jour, je chantais mes quelques chansons, hein. Et un couple était en face, et le jeune homme, sans doute le monsieur, a voulu briller sûrement, et dans un silence entre deux couplets, il s'est penché vers sa blonde, et il lui a dit: avec un nez comme ça, elle devrait jouer Cyrano. Sympathique. Alors là, ben là, je suis sortie, je suis allée pleurer dehors. Hein, vous n'avez pas balancé la guitare non. sur la figure. Non, mais j'étais, bon, c'était très cruel ouais. quand même. Finalement, ce sont les autres spectateurs qui les ont sortis, ah ouais. qui les ont fait partir et qui sont venus me dire revenez. C'était sympathique, ça aussi. Ouais. Non, mais c'était parce qu'on était. C'est beau les grands nez. Moi, j'adore. Il y a au moins trois. Personnes, trois dames que je ne citerai pas, mais des dames qui ont été connues à la radio et à la télé, ces trois-là m'ont conseillé de me faire changer le nez à mes débuts. Bon, ça, sans même penser que ça aurait pu me changer la voix aussi. Hein. Alors, bon, mais après, je m'y suis faite. Mais c'est pour dire qu'on était. Il y avait quand même Marguerite Moreno. Qui oui, arborait un appendice majestueux oui, avec majesté. Mais bon, mais une petite débutante n'avait pas le droit d'avoir un nez. Et il m'est arrivé. Alors, une autre chose, ça me fait encore rire, mais bon, j'étais assez féroce quand même à cette époque-là, parce qu'il fallait se faire respecter. Puis, bon, les gens, ils venaient là pour manger, pour draguer, pour boire. Bon. Et là, c'était, je crois, passé à la contre-escarpe. Enfin, j'imagine, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, simplement, je jouais dans un spectacle et la personne chargée de la production est allée, démarcher en fait, hein, auprès d'une scène, peut-être une scène nationale, ou, qui devait acheter ce spectacle. Et une dame à qui on s'adressait, en entendant le nom d'Anne Sylvestre, a froncé le nez. Alors on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelque chose contre Anne Sylvestre? Alors elle a dit, écoutez, quand j'étais étudiante, bon, ça devait faire 35 ans avant, hein. J'adorais Anne Sylvestre, j'allais l'écouter, je ne manquais pas ses spectacles, et je suis allée un jour l'écouter à la Contrescarpe. Et puis, comme j'aimais tellement, je lui ai réclamé une chanson, et elle m'a répondu, je suis pas un jukebox. Et je ne suis plus jamais retournée l'écouter. Et croyez-le, elle n'a pas acheté mon spectacle. Alors, il ne faut jamais refuser une chanson quand on vous la demande, c'est bah oui, ça. Oui, mais attendez, les gens n'imaginent pas que c'est un tour de chant, ça se fait pas comme... C'est pas à la carte. Je veux dire. Oui. C'est pas. C'est au final, à la rigueur. On peut avoir un vœu ou. Oui, mais ou un autre. Il faut. C'est comme les gens qui viennent me poser un petit papier sur la scène, s'il vous plaît, chantez telle chanson. Si c'est pas prévu, c'est pas prévu. Hein, on le chantera pas. Mais bon, c'est vrai. Ça vous arrive de faire plaisir à des gens quand même. Oui, oui, oui, aussi. Mais je sais que parfois je rencontre des gens qui, en riant, me disent « Oh là là, vous m'avez engueulé un jour à tel endroit ». Je ne peux pas me souvenir, mais il fallait se battre. Alors que, bon, maintenant, c'est plus pareil. C'est les salles plus grandes, ça se passe bien. Alors, bon, le tout. Mais je ne me fais pas d'illusions, il faut les tenir. Hein. Si tout d'un coup on les lâche, ils pourraient très bien se mettre à regarder ailleurs ou à parler entre eux. Comment vous construisiez justement un spectacle, étant donné que vous aviez cette espèce de chose au départ d'être un petit peu cloué et oui. Les bras Derrière ce meuble, comme dit François Robert. Oui, j'avais ça, et puis il y avait le micro sur pied qui était au milieu de la scène. Ben, je bougeais à l'intérieur, j'avais l'impression de bouger à l'intérieur. Mes interprétations étaient uniquement vocales, mais... Le visage, quand même. Oui, c'est ça, les expressions. Donc, il fallait pas être trop loin. Visage. Il fallait quand même que les gens voient. C'est-à-dire que quand je battais d'un cil, c'était comme si j'avais fait un grand geste du bras. En fait, ce qui m'a fait poser la guitare pour la première fois, c'était à l'Eldorado, en 85, pour deux chansons. Parce que ces chansons-là, je n'arrivais pas à les accompagner avec la guitare. Puis comme j'avais des musiciens, j'avais quatre musiciens, donc là, je sais pas comment j'avais réussi à me les payer, mais bon, j'avais quatre musiciens. Alors j'ai posé la guitare pour Flou et pour Trop tard pour être une star. Puis ça m'a plu pas mal. De pouvoir déambuler sur la scène. Je déambulais pas, j'étais devant mon micro, mais enfin je bougeais les bras, quoi. Mais j'ai appris. Et ensuite, non, là où ça s'est vraiment décidé, c'est lorsque j'ai créé avec Pauline Julien Gémeaux croisés. Parce que là, c'était je pose la guitare, j'ai quitté le contrebassiste, on prend un pianiste et un percussionniste. Bon, puis j'avais quand même, j'étais aux prises avec quelqu'un qui avait l'habitude de bouger, hein, mm-hmm. Pauline. Une bête de scène, pour ne pas le dire. Oui. Là, nous avons eu la chance d'être mise en scène par mm-hmm. Viviane Théophilides. Et je dois dire qu'elle m'a rendu un très, très, très grand service en me disant, mais regarde, tu peux bouger. Tu as envie de faire ça? Tu le fais. Tu veux monter sur le piano? Monte sur le piano. Tu veux entrer sur scène avec un sac à dos? C'est un de mes grands fantasmes. vas-y. Mais par ailleurs, tu n'es pas obligé de faire des gestes. C'est pas parce que tu as les mains libres que tu es obligé de bouger les bras. Tu peux aussi ne pas bouger. Et dernière chose que j'ai trouvée magnifique et que j'utilise encore, c'est quand tu fais un geste, tu le tiens. Tu ne fais pas de petits gestes. C'est-à-dire, tu lèves un bras, eh ben, tu le laisses en l'air tout le temps que tu supporteras de l'avoir en l'air, puis après, tu te débrouilles. Et ça, ce sont des préceptes qui m'ont aidé magnifiquement. Et à partir de là, dans Gémeaux croisés, je reprenais ma guitare pour deux chansons, dont une qui était une chanson western très drôlatique. À partir de là, il n'était plus question que j'aie une guitare sur scène. En même temps que poser la guitare, nous avons fait, Pauline et moi, l'expérience du micro HF, invisible, sous la frange, qui permet de bouger. Là, ça a été découverte, plus question de s'en passer. Ah oui. Et les gens. Fini le micro au milieu du visage. Mais oui, et puis on peut bouger. Et les gens, les gens me demandaient, oh, ça doit vous manquer. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas une bouée de sauvetage, le micro. C'était une gêne. Alors là, tout à coup, ça a été, ouf, je respire. Comment vous organisez vos déplacements sur une scène? Je les pense d'abord. Je les pense dans ma tête. Je me crée quelques points. Il y a le piano, il y a en face, ce qui est en général un siège ou une chaise ou une petite structure, ça dépend. Et puis je me crée comme ça 3 ou 4 points. Et l'ordre des chansons, c'est moi qui le fais toujours. Et il paraît que je suis assez douée pour ça. Alors c'est quoi la recette? Je ne sais pas, j'y pense. Par exemple, vous donner une petite idée de pourquoi tel après tel? La chose très importante, c'est la chanson d'entrée. Avec quoi je vais arriver. Puis ensuite... Vous voulez une chanson qui vous présente, qui brise la glace? Oui, ça dépend. Une chanson qui va annoncer un peu ce qui se passe. Ou alors, par exemple, à l'Olympia, pour mes 40 ans de chanson, j'avais mis « T'en souviens-tu la scène ?» qui est quand même une de mes plus connues, histoire d'annoncer la couleur. Et puis aussi parce qu'on m'aurait reproché de ne pas la chanter, celle-ci. Et d'autre part, elle n'avait pas sa place ailleurs. Vous vouliez vous en débarrasser comme un ça? Un petit peu, oui. Vous jetiez à la scène. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce qu'elle n'était pas très facile à placer. Bon, je ne sais pas, il faut des alternances. Il faut que assez vite arrive une chanson pour sourire, pour que les gens sachent qu'ils ne vont pas passer toute la soirée à se tenir la tête, parce qu'il y a encore des gens qui s'imaginent que Anne-Sylvestre est de la poésie, puis que la poésie, ça les emmerde. Mais oui, bon, alors il faut leur montrer. Non, on va rigoler aussi. Ah bon, d'accord. Et alors, je fais un peu des séquences aussi. J'aime bien rapprocher certaines chansons ou les faire se parler l'une à l'autre. Il n'est pas, j'emploie pas la formule Brel qui est la douche écossaise. C'était très efficace et ça fonctionnait bien. Mais moi, je préfère créer des séquences, quitte à avoir l'impression parfois de perdre un petit peu le public, mais je le laisse se reposer, puis après, paf, ça repart autrement. Alors, vous avez une voix intéressante, vous avez un médium qui est magnifique, qui est, comment dire, qui a une espèce de qualité gaillarde, qui s'impose comme ça. Et puis, vous avez une espèce de voix de tête fragile. Plus fluette, ouais, plus fragile, ouais. mais très têtue. Et puis, il y a une espèce de troisième voix qui vient justement dans les moments d'émotion, qui est une voix que j'appellerais une espèce de voix poétique, qui est une voix de harpe, une voix de tapisserie, vous voyez. Ouais, et j'imagine que ce n'est pas toujours des choses que vous contrôlez. Et puis, le plus difficile, c'est le passage d'un registre à l'autre, bien sûr. Je contrôle quand même pas mal. C'est ça. J'ai appris. Mais j'ai aussi des graves que j'aime bien. Les graves, mais je ne les utilise pas très souvent parce qu'ils ne sont pas brillants. Mais pour certaines chansons, j'aime beaucoup chanter dans les graves. La voix de tête, c'est plus difficile, mais quelquefois je m'écris des choses difficiles. J'ai une grande étendue vocale. Donc, le sachant, j'écris. Et puis après, débrouille-toi pour chanter. Et parfois, je suis obligée de passer en voix de tête, alors que, bon, si j'avais pu, je m'en serais un petit peu passée. Mais ça crée quelque chose de fragile, qui est finalement intéressant. J'aime bien. Il y a des jours où ça sort très, très bien. Comme dans, par exemple, Moir et Satin, qui est une vieille chanson, mais que j'ai remise dans Partage des eaux. Le petit côté du petit bateau et de la fille qui est assimilée au petit bateau et qui va se noyer. C'est bon, il y a des moments comme ça. Mais bon, je sais, à part les toutes premières années, je trouve que ma voix n'a pas beaucoup changé, en fait. Un petit peu, elle s'est plus assouplie. Mais c'est quand même toujours la même que dans ma jeunesse. Sauf que j'ai parfois remarqué qu'on disait que j'avais la voix qui lâchait de temps en temps ou qui se cassait. C'est pas vrai, c'est exprès. C'est des brisures. Mais c'est exprès. Ouais. Ce sont des trucs d'interprétation que je me plais, que je me régale à faire, c'est-à-dire passer de la voix chantée à parler, ou des choses comme sur l'émotion, faire casser la voix sur l'émotion, je trouve ça, j'adore, quoi. Bon, la seule chose que je remarque, c'est qu'elle, ma voix a un tout petit peu descendu. Mais bon, on va pas, par plaisir prendre de la cortisone pour s'éclaircir la voix. Non, non, mais il faut vivre avec sa foi. Il faut vivre oui, avec sa foi. Oui, non, mais ça me. Il faut pas rechercher les petits aigus qu'on a perdus. Il faut travailler sur les graves qui arrivent. Oui, non, mais les aigus, moi, ça ne me dérange pas. Mais je sais que, en tout cas, la voix elle-même est restée la même. Et puis, je trouve que j'ai beaucoup de chance, merci maman, qui m'a légué ça. C'est d'avoir une voix qui ne vieillit pas, finalement. Vous travaillez avec des professionnels de la voix de temps en temps, jamais. J'ai jamais pris de cours de chant. Et je ne fais même pas de vocalise. Bon, je m'en... J'en suis pas plus fière pour autant, mais c'est comme ça, ma voix, je la fais en chantant. C'était À voix nue avec Anne Sylvestre d'Hélène Azéra. Équipe de réalisation, Michel Maître et Marie-France Thivault. Cinquième et dernier À voix nue d'Anne Sylvestre, Hélène Azéra, nous parlerons de l'art d'être mère et grand-mère et d'écrire pour les enfants. Alors Anne Sylvestre, je voulais parler d'un versant de votre œuvre, qui est le versant enfantin. Alors moi, personnellement, j'ai la plus grande admiration pour les poètes qui se penchent vers les enfants, écrivent pour eux. Alors, on va parler de d'Esnos, ses chants de fables et chants de fleurs. Oui, c'est beau. Voilà. Comment ça vous est venu ? Ben, comme ça. Je ne me suis pas dit un jour, tiens, je vais écrire pour les enfants. C'est venu pratiquement en même temps que les autres chansons, peut-être avec un léger décalage, mais très peu, puisque les premières, je les ai chantées à ma fille aînée quand elle était dans son petit landau et que je la promenais. Elle n'y comprenait rien, bien sûr. Or, elle va fêter ses 42 ans à Noël, donc ça fait quand même un petit moment. Mais je les ai écrites comme ça, comme je suis peut-être un pommier qui porterait deux sortes de pommes. Alors c'est drôle, je pense un petit peu à une chanteuse qui vous a précédé de beaucoup, qui est Marianne Oswald, qui avait une enfance difficile et qui adorait les enfants et qui, sur sa fin de carrière radiophonique, faisait une émission pour les enfants qui s'appelait Terre des enfants. Bon, elle avait une passion ouais. pour les enfants. Est-ce que c'est le fait que vous ayez une enfance difficile qui fait... Non, non parce pas que... la psychanalyse à bon marché. Non, parce que je crois vous avoir dit que j'ai... Malgré toutes les difficultés, j'ai eu une enfance qu'on pourrait dire heureuse parce que on m'aimait, parce que oui, c'est ça. Alors Non, mais j'ai toujours, j'ai chanté beaucoup, j'ai chanté les chansons traditionnelles. Juliette me chantait des chansons traditionnelles aussi. Il était un petit homme. Habillé de blanc. Voilà, de gris, guillerie, de gris, etc. Guillerie, oui. Et puis il monta sur un arbre. Bon, le coup pour voir le, je sais plus, pour voir les chiens courir, Guéry, etc. Bon, et les autres, enfin bon, tout ça. Ensuite, j'ai chanté beaucoup puisque j'ai fait du scoutisme et j'ai chanté beaucoup les chansons traditionnelles, puis les chansons pour enfants, etc. Les chansons de Madame Jacqueline Cocampo. Ah ben, Francine. Francine Cocampo, bien sûr, j'ai adoré ça. Mais j'ai toujours. Je chantais avec les petits enfants dans la cour de récré, avec les petits. Je les faisais jouer, je les faisais faire des rondes. Je m'occupais. J'ai fait chanter les petits enfants. Je me souviens, chez les sœurs, on m'avait demandé de venir faire chanter les petits dans leur classe, etc. Bon, donc je ne sais pas. C'est peut-être pas ça qui m'a influencé. J'ai eu des enfants, mais même si j'en avais pas eu, je pense que j'aurais quand même écrit. Ces chansons-là me sont venues, quoi, comme les autres. Mais c'est une autre branche. J'écris les deux sortes de chansons avec le même respect, avec le même soin. Mais j'ai conscience que ce n'est pas la même chose et je ne peux pas écrire des deux sortes de chansons dans la même période. Quand on écrit pour les enfants, oui, d'après vous, quelle est la chose importante à faire et à ne pas faire? Bon, je ne sais pas. Je vais naturellement vers les choses qui les intéressent. Les sujets qui les passionnent, les objets, les situations ne sont pas forcément les mêmes que ceux des adultes. Encore que, oui, je veux bien comprendre que les enfants écoutent aussi les chansons pour adultes, mais ils ont droit à quelque chose qui est pour eux. Et puis, je pense qu'un de mes soucis, c'est qu'ils puissent les chanter aussi. C'est-à-dire qu'il y ait des mélodies qui puissent se retenir, qui d'ailleurs se retiennent, paraît-il, et je le vois, qu'ils puissent les chanter, puis qu'éventuellement ils puissent s'amuser avec, changer les couplets, en rajouter, en inventer. C'est un peu comme de la pâte à modeler. Et puis aussi, troisième chose, le langage est à leur portée. Mais je n'hésite pas à mettre quelques mots beaux ou intéressants qui peut-être leur feront poser une question. Parce que sinon, ce serait d'une platitude extrême. Et puis ça leur permet d'élargir leur champ sémantique. Oui, puis il y a une façon aussi d'agencer les mots quotidiens qui dépasse le quotidien. Je ne sais pas, j'ai fait entre autres une série de chansons qui s'appelle Chansons pour, qui est d'ailleurs le fabulette numéro 1. ça, c'est des chansons destinées aux tout petits enfants, avec des textes qui sont d'une extrême simplicité. D'ailleurs, souvent, des adultes m'ont dit « Oh là, celles-là, on les aime moins. » Mais j'ai dit « C'est pas pour vous que je les écris, hein. C'est pour les 2, 3, 4 ans. » Et ça dit, par exemple, « Mon œuf est tout neuf, je le pose pointe en haut, craque un coup de mon couteau. » Je veux dire, c'est facile, c'est tout simple. Ou « Patacrac, mon anorak, roule, ma cagoule. » Je veux dire, c'est simplissime, mais ce sont leurs mots, mais mis quand même de façon un petit peu poétique. Et vous n'avez pas peur d'un peu de didactisme? Je connais un jeune homme qui a appris à lacer les souliers. Oui. Ah oui, petite languette. Oui, mais c'est pas didactique, ça. C'est une aide. C'est moi, j'ai appelé ces chansons-là des petites recettes pour une vie un peu plus facile entre petits enfants et parents, parce qu'il y a aussi le clin d'œil. Je sais que tu sais, mais tu sais que je sais que tu sais. C'est par exemple, non, j'ai pas les mains sales, la preuve, j'ai fait de la peinture. Bon, c'est tout simple, mais j'aime bien ça. J'aime bien, et alors, mon grand bonheur, c'est de rencontrer justement des gens maintenant qui sont des adultes, qui viennent avec des yeux comme des étoiles, me dire, vous m'avez bercé. Oh, je me souviens, la petite Josette, ou pour manger un œuf à la coque, ou... On m'a parlé en effet de classes entières qui refusaient de mettre leurs chaussures s'ils n'avaient pas la chanson. Alors, des enfants qui ne voulaient plus manger un œuf à la coque sans entendre la chanson en même temps. C'est une bonne recette pour perpétuer son public, d'écrire des chansons pour les enfants, parce que exactement. Ensuite, ils vont écouter les chansons pour les adultes. Mais quand c'est ils vrai. Auront grandi. Pas tous, malheureusement, mais je voudrais bien que leur dire à tous. Vous savez, il y a autre chose après les fabulettes. Il y a une vie après les fabulettes. Ou à côté des fabulettes. Ou à côté des fabulettes. Il y a aussi des adultes qui écoutent encore les fabulettes. Mais c'est un grand bonheur. C'est vraiment un grand bonheur. Et je trouve qu'il y a quand même deux ou trois petits chefs-d'œuvre de surréalisme aussi. Vous faites un peu appel au surréalisme enfantin. Oui. Avec les coq-à-l'âne, les assonances. La tortue têtue. Oui, j'aime beaucoup les assonances. Puis des choses un petit peu absurdes, un peu. Mais avec toujours un sens. La gratuité est pure, m'ennuie. C'est venu par vagues. Ces fabulettes, ça a été un... Est-ce que vous attendiez à ce succès ? Non. Non, quand j'ai fait les premières, ma maison de disques même n'y croyait pas, m'a fait enregistrer pour me faire plaisir. Et puis au bout de 3-4 ans, j'ai commencé à rencontrer des instits qui me disaient « Mais faites-en d'autres, on a besoin de ça. Continuez, ça renouvelle le répertoire. Oui. » J'étais la première à écrire un répertoire original. De création. Et alors c'est drôle, vous plaignez un petit peu que des chanteurs uniquement interprètes ne reprennent pas vos chansons, mais là, les fabulettes, il y a eu plusieurs chanteurs qui se sont posés sur le répertoire. Oui, il y a Jacques Auronier notamment, qui chante... Il y avait Anne van der Love qui a fait un joli disque. Mais pas de mes chansons. Si. Non, non. Le cochon qui tourne, si. Non, je crois pas. Si, non, si, Isabelle si, Aubray. Si. Non, Isabelle Aubray a enregistré les fabulettes, mais... Je ne pense pas. Bon, je l'aurais su, mais c'était pas de moi, ça. Non, si. Non, les cochons qui tournent et tout. Non. Si, ah si. Bon ? C'est vrai ? Oui. Ah ben, vous m'apprenez, vous m'apprenez, je ne savais pas. Il y a Christine Costa aussi qui a beaucoup chanté. Voilà, qui a beaucoup chanté les fabulettes. Qui a beaucoup de talent. Oui. Et qui vient de créer un spectacle qui s'appelle Le Voyage d'Alzire, sur les fabulettes aussi. Enfin, vous qui êtes mère et grand-mère, vous savez l'importance des spectacles pour les enfants. C'est quelque chose, oui. Vous n'allez pas passer à côté de ça, d'éveiller leur appétit artistique. Ben, je pense que oui, il y a de quoi les faire rêver. J'avais écrit aussi une comédie musicale qui s'appelait Lala et le cirque du vent, il y a quelques années. Ben, je pense que c'est important de nourrir... de nourrir les rêves et l'imagination, et puis peut-être un petit peu l'intelligence aussi. En fait, je résumais ça en disant j'occupe le terrain. Quand ils écoutent les fabulettes, ils n'écoutent pas autre chose. C'était important que vos filles les apprécient. C'était votre premier public, un peu ? Ah oui, oui. Et puis alors, elles m'ont... là, à partir de 73, à partir du moment où j'étais ma propre productrice, j'ai... accélérer la production. J'ai fait beaucoup. La preuve, j'en suis à 16 albums. J'ai vraiment accéléré ça. Mais mes filles, au début, me servaient de choristes. J'avais mes deux filles. Il y avait la fille de François Robert, il y avait la fille du comptable, il y avait des copines. Ça s'appelait les Bécasses. Bon. Ensuite, elles ont grandi. J'ai pris des chorales, mais c'était moins drôle. Puis, il y a quelques temps, pour Fabulette aux oiseaux, j'ai eu mes petits-enfants qui sont venus chanter aussi. Et... J'aime bien. Alors, mes petits-enfants, maintenant, ont dépassé l'âge des fabulettes, mais ils sont quand même toujours... ils exigent d'être tenus au courant et ils me donnent leur avis. Aussi des chansons pour adultes, j'imagine. Ah ben ça y est, oui. Oui ben ils se mettent mes disques en boucle, ce qui ne les empêche pas d'écouter toutes sortes d'autres choses à côté, bien sûr. Alors c'est drôle, on parle peu aux hommes de leurs enfants. Je ne sais pas, je ferai une interview avec un chanteur, je n'irai pas forcément lui parler de ses enfants et de ses petits-enfants, ce qui est une chose absurde, bête. Parce qu'il y a quand même des hommes qui aiment leurs enfants et pour qui c'est une chose importante. Oui. La maternité a été une chose importante et élever des filles, ça a été quelque chose d'important pour vous ? Oh ben oui. Je ne saurais pas dire pourquoi. Je devais être programmée comme ça à devoir avoir des enfants. Je n'imaginais pas, alors que je comprends absolument bien qu'on puisse ne pas en vouloir. Qu'on se sente pas du tout l'envie ou la capacité de faire des enfants. Moi, c'était comme ça, je voulais, vraiment. Et bon, je me suis limitée à deux parce que avec le métier que je faisais, c'était pas quand même terriblement facile. Mais pas une seule seconde, je n'ai imaginé de m'arrêter sous prétexte que j'avais des enfants à élever. Je ne sais pas... Elles ont eu à s'en plaindre parfois. Oui. En même temps, il y a aussi tous les moments merveilleux dans les loges. Dans... Oui, c'est... je ne les ai pas emmenées avec moi en tournée, jamais. Je ne voulais pas mélanger, puis parce que je n'aurais pas eu l'esprit assez libre pour ça. Mais globalement, je pense que ça a été positif. Elles sont même très fières de leur mère. Et les petits aussi. Donc, les petits, ils sont... Alors, eux, ils n'ont même pas le côté, on nous a pris. Parce que pour les filles, ça a été un peu, sans doute compliqué. Mais les petits-enfants, eux, ils n'ont que la satisfaction. Puis alors, ils donnent des autographes aux copains. Et bon, ils sont contents. Mais c'est... si je n'avais pas pu avoir d'enfants, par exemple, je suis sûre que j'en aurais adopté. Donc, c'était comme ça. Mais je ne suis pas non plus une mère poule, enfin, je sais pas. J'ai réussi à mener les deux. C'était bien, avec pas trop d'angoisse. Heureusement, elles ont eu une très bonne santé. Sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Vous avez écrit quelques très belles chansons sur des personnages de mère. Oui, parce que j'ai eu quand même, une mère qui était assez exceptionnelle, même très exceptionnelle, et c'était une belle sorcière. Et sur les moments difficiles, ouais. Sur les moments dans la vie où oui. La mère commence un peu à vieillir. Et ah oui, Marie-Géographie. Oui, ouais. Mais c'est sûr que c'est pas facile, sans doute. J'ai eu l'occasion d'écrire, justement, pour un film, d'écrire pour le film de Charlotte Dubreuil, Ma chérie, j'ai écrit la chanson du générique, qui s'appelle Ma chérie aussi, et que j'avais chantée avec ma fille Alice, à l'époque. Et puis, je me suis aperçue qu'elle est devenue vraiment une chanson mère-fille. J'ai rencontré des quantités de femmes qui m'ont dit avoir pleuré avec leur fille en écoutant ça, et s'en être servie comme de... sorte de passeport, je sais pas. Oui, c'est important. C'est important. On est dans l'année Hugo. Alors, l'art d'être grand-mère, la première chose, ça rajeunit d'être grand-mère. Oui, je suppose. À vous voir, c'est une évidence. Merci. Bah oui, parce que quand même... Oui, c'est vrai. Une fois, mon petit-fils a dit « Mais Nanny, c'est pas une grand-mère, parce qu'une grand-mère, c'est vieux. » Alors, bon... Un joli compliment. C'est gentil, hein, mais... C'est bien élevé. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Il a 11 ans. Il est beau. Il est gentil. Et puis, la petite, c'est... Bon. C'est ma petite-fille, quoi. C'est ma Clémence. Je sais pas, c'est très... C'est installé tellement loin dans le cœur que c'est difficile même d'expliquer ce que c'est, les petits-enfants. Oui, vous ne m'en voudrez pas justement de vous demander quelle est la différence entre l'œil d'une mère et l'œil d'une grand-mère sur des enfants du même âge. Mais parce que... C'est le recul, vous avez oui, vous on est de beaucoup plus haut. On est beaucoup plus relax parce que on n'a pas toutes les responsabilités, ni même d'éducation, enfin un petit peu quand même, mais pas trop. On les emmène pas chez le docteur, on les dispute pas tellement pour leur devoir parce que la plupart du temps, quand on les a, c'est pendant des vacances. On peut faire des choses amusantes. C'est une position privilégiée. Vous leur faites la cuisine ? Oui, oui. Je les emmène au resto parce qu'ils sont tellement contents d'aller au restaurant. Quand ils viennent, c'est des petits villageois. Et ils habitent à la campagne. Donc, quand ils viennent à Paris, il faut prendre le métro, il faut prendre le bus, il faut prendre le taxi, il faut prendre le RER. Et tout ça, c'est formidable. On va dans les bistrots, on va au resto. On mène une vie de patachon quand ils sont là. Qu'est-ce que la chanson pour vous ? Oh là là, c'est un grand mystère. C'est un immense mystère. Je ne sais pas. C'est quelque chose. Pour moi, c'est vraiment la perfection. Je suis très heureuse que la chanson me soit tombée dessus parce que je savais que je voulais écrire, mais cette forme-là me convient à merveille, entre un texte, entre une musique et une interprétation, parce qu'il y a les trois. Il y a trois musiques qui se mélangent avec la personne qui chante. Ça a un petit côté magique. Je pense aussi que la voix, si elle est bien menée, a quelque chose d'incantatoire. Je le remarque avec les enfants, parce qu'on me parle très souvent d'enfants qui bougent, qui sont insupportables et qui tiennent en place quand on leur met une cassette ou un disque et qui l'écoutent en boucle. Je me dis que je le fais pas exprès, mais c'est comme ça, c'est une grande chance. Et je pense que ça m'est tombé dessus comme un don et que je l'exploite parce qu'il se trouve que je sais faire. Vous fatiguez un peu, des fois, de ce métier ? Non. Qui est quand même très dur ? Oh non, je me fatigue pas. Oh non, non. Non, et même, je le vis finalement beaucoup mieux qu'il y a quelques années, parce que je vais faire une croix sur certaines espérances, et je sais que maintenant, c'est pas maintenant que je vais faire une carrière médiatique, donc je m'en fiche. Mais je m'en fiche complètement. Que ça continue comme ça, aussi longtemps que je pourrai. Vous savez aussi que les carrières médiatiques peuvent être extrêmement éphémères. Oui. Oui, ou alors je me dis que je suis pas assez vieille encore, ou pas assez folle pour qu'on me découvre. Alors on va continuer, et puis on verra bien. Sur scène, vous êtes très drôle. Oui. On rit beaucoup. Ah oui, j'aime ça. J'aime faire rire. Quelquefois, je prends le fou rire aussi. Quand j'entends les gens rigoler, oh. Oui, j'aime ça. Parce que c'est, en plus, ça, c'est un ressort. C'est faire une chanson drôle, efficace, je trouve, c'est un immense bonheur. Déclenché. Bon, ça part, c'est bien. Puis ça fait du bien aux gens, ils aiment ça. D'autant plus que la dérision est une arme redoutable. Oui. Oui, bien sûr. Il y a des choses qu'on peut faire passer, là, qui passeraient pas autrement. Ben, je vais continuer. Continuer à faire rire, puis à faire quelquefois aussi pleurer. Mon Dieu, la petite larme, c'est pas si mal non plus. Ce qui m'amuse beaucoup maintenant, ce qui m'a énervé pendant des années, mais qui m'amuse, c'est quand même que j'ai une certaine transparence. C'est-à-dire que chaque fois qu'on énumère des noms de chanteurs qui ont de l'importance, je n'y suis pas. Ah, d'accord. Mais je n'y suis pas. Brel, Ferré, Brassens, Béart. Alors, hier encore, j'ai vu une énumération et j'étais dans « et tant d'autres ». Alors, je suis ou bien dans « et tant d'autres », ou bien dans « etc. », ou bien dans « divers ». Enfin, quand même, quand on parle des femmes, c'est difficile de ne pas parler de vous. Si, on parle de Barbara. On cite Barbara. Mais on parle, mais on parle jamais des femmes, on parle des chanteurs qui... mais je vous dis, ça me fait rire maintenant, parce que je le sais. Quand, par exemple, sur une affiche de festival, il y a des noms en gros et des noms en petit, mon nom est parmi ceux en petit. Et quand je demande pourquoi, on me dit « Ah ben, c'est le graphiste qui a fait ça ». D'accord. Mais alors, bon, c'est tellement systématique que finalement, ça me fait beaucoup rigoler. Parce que c'est quand même vous qui durez. Oui. Ben, c'est ça. Faut pas. On vous oublie quand vous durez. Oui, mais je ne vais pas mourir juste pour ça. Vous râlez, vous allez vous plaindre, vous... Non, ou vous fini, laissez faire. Ça. Oh non, vous c'est fini. Râler. Oh pour les histoires de chiffres. Je demande. On me répond, c'est le graphiste. Je dis, bon, d'accord. Ok. Mais c'est tellement systématique que... Oh non, maintenant ça me... En même temps, ce qui doit passer, c'est que 3 ans après, il y a la même affiche et le nom qui était en gros a disparu et oui. Vous êtes toujours à votre place. Oui, non mais c'est ça. Non mais ça c'est ça. Oui. Peut-être qu'il faut mieux pas que vous arriviez en tête d'affiche. Oui, par exemple. Mais encore moi, j'ai pas trop à me plaindre de ça. Mais quelque chose moi qui me rend folle de rage, c'est Michel Bernard, par exemple. Alors elle, le paradoxe, c'est qu'elle a un public, mais c'est une chanteuse culte. La critique est à ses genoux. Moi, ah, oui, par exemple. Mais oui, elle a un public merveilleux qui va faire des kilomètres à quatre pattes pour aller l'écouter, dont moi d'ailleurs. Et puis à part ça, vous dites à un tas de gens, Michel Bernard, ah oui, qui est-il? Alors, oui. Bon. Bernard, la réponse, oh, il n'a que 30 ans de carrière. Oui, mais non, mais ça, c'est scandaleux. Voilà, scandaleux. Ouais. C'est aussi que là, on ne peut pas dire que ce n'est pas les journalistes, parce que. Que ce soit Anne-Marie Pacotte, que ce soit Dical. La presse écrite fait un peu bien son travail. C'est comme moi. Je n'ai jamais eu à me plaindre de la presse écrite. Jamais. Heureusement. Sinon, on n'existerait pas. Le problème vient des diffuseurs. Ah oui, oui, oui. Alors bon, mais. Bon. J'imagine que étant passé au Québec, vous n'avez pas vraiment pleuré quand la loi des quotas s'est installée, même si vous saviez que vous n'alliez pas en bénéficier. Oui, oui. Oui, je trouve que c'est un petit peu surfait, quoi, un petit peu bidon, cette histoire. Mm-hmm. Parce que c'est encore toujours les mêmes gens qui tournent. C'est bon. Ça ne fait rien. C'était À Voix Nue avec Anne Sylvestre d'Hélène Azéra. Équipe de réalisation, Michel Maître et Marie-France Thivault. Cette série d'À Voix Nue a été diffusée pour la première fois sur France Culture début 2003. On dit que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit et que la lune docile jusqu'au matin n'a pas lui. On dit qu'un foulard de brume fit pour elle un voile blanc, fit à Lazare un costume tissé de nacre et d'argent. On le savait au village que Cécile allait souvent rêvasser dans les herbages et danser avec le vent. On riait de ce Lazare sans amis, sans fiancé, qui rôdait près de la mare et n'allait jamais danser. On dit que Lazare et Cécile ont un soir changé d'avis. C'était pourtant pas facile de se cacher près d'ici. Ils ont joint leur solitude, ils ont partagé le vent, prenant la douce habitude de s'aimer secrètement. Au bout de quelques semaines, il parut aux indiscrets que dans sa jupe de laine, Cécile s'alourdissait. Alors il fallut les entendre tous crier au déshonneur. Mais Cécile, qui est tendre, a préféré le bonheur. On dit que Lazare et Cécile se sont enfuis cette nuit. Il y a bien des imbéciles pour en sourire aujourd'hui. Pourtant jusqu'au bout des saules, ils se sont tenus la main. Puis épaule contre épaule, ils ont suivi leur chemin. On aurait voulu peut-être voir Cécile dans les temps et sous la branche d'un hêtre trouver Lazare pendant. Sans gêne, on aurait pu suivre leur cortège en soupirant. Mais ceux que l'amour délivre préfèrent s'aimer vivants. On dit que Lazare et Cécile se sont mariés cette nuit dans la lumière fragile des heures d'après minuit. On dit qu'au creux de la mare, la lune en deux se brisa, formant deux anneaux bizarres qu'ils se glissèrent aux doigts. Lorsqu'ils ont couru ensemble, le vent leur fit un manteau. Moi qui ne dormais pas, j'en tremble de les avoir vus si beaux. Toi Cécile, toi Lazare, apprenez à votre enfant que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment simplement. Que jamais on ne sépare ceux qui s'aiment simplement.